Amis humains, bonjour. Voici une petite mise à jour de la pensée d'Albert Camus. En ces temps où l'humain a tendance à devenir une valeur plutôt relative, huitième partie. Les antinomies du réalisme politique. Si Camus oppose révolte et révolution, ce n'est certes pas par peur de s'engager, de s'opposer aux injustices présentes, au contraire. Il est convaincu que c'est justement l'idéologie révolutionnaire qui ouvre la voie au désengagement et au refus de la responsabilité, car elle fournit un terrible arsenal d'arguments ad hoc pouvant justifier n'importe quelle tactique, n'importe quel mensonge, qu'il masque les iniquités du présent ou celles d'une révolution victorieuse. L'idéologie en question est bien évidemment celle des partis communistes de l'époque, léninistes. Pour Camus, le léninisme est un mélange doctrinal où se rejoignent des éléments nietzschéens, marxistes, et un nihilisme à la Netchaïev. La théorie du communisme comme mouvement réel qui abolit l'état de choses présent, un fait qui est donc en train de s'accomplir de manière dialectique, et la volonté démesurée et homicide du geste qui se veut exemplaire sont unis par le mépris envers le sentimentalisme et le moralisme des socialismes réformistes ou libertaires, et ce parce que Marx, comme Nietzsche, pensait stratégiquement et comme lui haïssait la vertu formelle. Quant à Nietzsche, sa définition paradoxale de la liberté, qui en fait l'adhésion totale à une nécessité totale, permet à Camus une conclusion à l'époque intolérable : ce ne sont pas les fascismes qui peuvent se proclamer les héritiers de Nietzsche. Autrement logiques et ambitieux seront ceux qui, corrigeant Nietzsche par Marx, choisiront de ne dire oui qu'à l'histoire et non plus à la création tout entière. Le vrai nietzschéen, en fait, est le marxiste-léniniste orthodoxe, le stalinien pur sucre, perrin d'assez cadavé. N'en déplaise aux hérésies, marxistes qui, quelques décennies plus tard, ont découvert en Nietzsche l'antidote pour guérir la gauche du passé stalinien. L'idéologie des partis léninistes et stalinistes peut se traduire aussi bien par une apologie dithyrambique des crimes soviétiques que par un opportunisme, modéré, sur le plan intérieur. Le pacte germano-soviétique est la manifestation de cette synergie. Le réalisme et la haine envers le moralisme permettent d'ailleurs de tout accorder. C'est pour cela que Camus oppose la révolte à la révolution léniniste, parce que cette dernière n'est pas du tout extrémiste lorsqu'elle dénonce et combat l'oppression, présente ou à venir. L'idéologie léniniste se trouve en harmonie parfaite avec la pensée conservatrice et réactionnaire, lorsque celle-ci théorise le cynisme politique et en exalte le réalisme, contre tout engagement qui naisse au contraire d'une fidélité à des valeurs morales ouvertement choisies et affirmées. Au nom du réalisme, on condamne ainsi l'indignation de la révolte, qualifiée d'utopique, et l'on justifie la violence de l'oppression quotidienne et de l'injustice. Mais au nom de la même logique réaliste, désormais enrôlée dans le camp révolutionnaire, on légitime toute forme de violence du moment qu'elle réussit pour combattre la violence de ce qui existe, ajoutant le meurtre au meurtre, jusqu'à ne faire de l'histoire qu'une seule et longue violation de tout ce qui, dans l'homme, proteste contre l'injustice. Ce sont les deux visages bourgeois et révolutionnaires du nihilisme contemporain selon Camus. Il s'agit là d'un passage crucial. Car le réalisme politique n'a pas de valeur à opposer à la seule devise qu'ils connaissent, le succès. Là où est la victoire est l'universel. C'est pour cette raison que les philosophes réalistes des nations vaincues par Hitler se préparaient à l'absoudre, si la bataille d'Angleterre et celle de Stalingrad ne les avaient orientés vers un autre type de morale. Quant au réalisme politique dans sa version révolutionnaire, il finit non seulement par justifier tous les crimes du pouvoir né de la Révolution, mais aussi par cultiver un bureaucratisme inoffensif au sein de l'oppression bourgeoise. Car la Révolution est toujours prête à sacrifier le présent au nom de l'avenir. Cependant, relève Camus, l'avenir est la seule sorte de propriété que les maîtres concèdent de bon gré aux esclaves. La révolte, au contraire, exige des résultats concrets, dans le domaine de elle, ici, et du « maintenant », qui est la seule dimension du singulier, de l'homme absurde et révolté, de l'homme qui existe réellement. C'est ce chacun que nous sommes tout, et pour lequel le temps clos de l'existence finie est le seul tout qui puisse avoir un sens. Les réalismes, cela dit, ne se valent pas tout. Camus observe que « il n'est pas juste d'identifier les fins du fascisme et du communisme russe. Le premier figure l'exaltation du bourreau par le bourreau lui-même. Le second, plus dramatique, l'exaltation du bourreau par les victimes. Le premier n'a jamais rêvé de libérer tout l'homme, mais seulement d'en libérer quelques-uns en subjuguant les autres. Le second, dans son principe le plus profond, vise à libérer tous les hommes en les asservissant tout, provisoirement. Il faut lui reconnaître la grandeur de l'intention. Mais il est juste, au contraire, d'identifier leurs moyens avec le cynisme politique qui l'ont puisé tous deux à la même source, le nihilisme moral, idolâtrie du fait accompli et du succès. Cette critique sans détour des communismes au pouvoir a fini par se faire un chemin dans les rangs même de la gauche occidentale, bien qu'avec un immense retard. Et aujourd'hui, après la chute du mur, elle semble même évidente. Mais il faut prendre garde, Camus ne cède rien à l'arrogance conservatrice dans sa critique du léninisme et de la logique des révolutions totalitaires. Il ne tombe jamais dans le conformisme du pouvoir, bien que, et même parce que sa critique est anticommuniste, est beaucoup plus rigoureuse que celle de nombre d'anticommunistes de façade. La dimension anticipatrice et intraitable de la critique de Camus repose sur sa logique libertaire. Et, si l'on aimerait pouvoir dire que c'est en cela que réside son actualité, peut-être faudrait-il davantage affirmer que c'est ce caractère libertaire qui fait que la philosophie politique de Camus demeure toujours une exception. Fin de la 8e partie. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.